l'arrêt pas de 4-4 sans le bougie. L'ambiance est rapprochée à foi. Personne ne sort plus pas sans le Fuji. Pour que jeunesse se passe boy. Les plus féroces pour faire fuir. Ouvre le coffre du faire dire. Ça commençait déjà à l'époque sur un parking. Les bleus pleurent, on sortait les gars, on s'avançait le get down. Les pieds sont plus précoces de nuit. On a déjà des gosses depuis. Ah, I need money. 9-3, mode survie. Les calibrés là, le jean. Détermination, ma gueule, François, en équipe. Pour tout seul, j'ai de la repu. Tout ça de l'or, c'est pour voler ma ration. Moi, déjà gamin, j'avais tout compris. J'ai le nerf de la guerre pour régler le conflit. I need the money. Money. Money. Money. Avec ton équipe, moi, etc. J'ai mes blessures de guerre. Plus de vacances, plus de week-end. Haram peut t'emmener en enfer. Ça reste du haram, yes, week-end. Flo t'envoie dans le décor. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, tire-moi dessus. Pourra je trouve des humains, on va s'en charger. Ta chute balayée des rappeurs, des churras, j'ai ton sang, je suis là dans le cul. Yep, qu'un sommeil. Rollard, les chics m'accompagnent. On les claque, on t'a pas vu ma plaque, on les brasse à la bague. On les mac, on gagne. Maintenant, crie ça, mets le prix. Maintenant, vise ça, on peut stick ça, 9-3, je tue ça. Moi déjà gamin, j'avais tout compris, j'ai le nerf de la